بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va finir aujourd'hui, c'est Nukmil Bab Salat al-Eidain. On va finir aujourd'hui le sous-chapitre concernant la prière des deux Eid. هناك مسألة متعلقة بصلاة العيد لم نذكرها. Il y a un sujet qui est lié à la prière du Eid qu'on n'a pas cité. هي هل يجوز قضاؤها لمن فاتته؟ Est-il permis à celui qui a raté la prière du Eid, ce qui est voulu par rater la prière du Eid, c'est en groupe avec l'imam, lui est-il permis de la rattraper? فمن أهل العلم من قال إن صلاة العيد لا تقضى لا في البيت ولا في غير البيت. Parmi les gens de science, il y a ceux qui voient que la prière du Eid ne peut être rattrapée, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك العلامة ابن العثيمين. Et ceci est le madhhab de l'imam Abi Hanifa, et c'est le choix de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et aussi du très savant, de l'érudit Ibn al-Uthaymin rahmatullahi ala al-jami'. Hujjatuhum annahu la yujad dalil. Leur preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve en fait. Leur argumentation, c'est qu'il n'y a pas de preuve montrant qu'on peut rattraper cette Salat, al-ibadatu tawqifiyya, l'acte d'adoration nécessite une preuve du Coran, de la Sunna, wa laysa fi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma yadullu ala jawazi qada'i salat al-Eid. Il n'y a pas dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelconque preuve montrant qu'on peut rattraper la prière du Eid. وكذلك يقولون إن هذه الصلاة شرعت للاجتماع. Et aussi ils disent que cette prière a été légiférée pour se rassembler, c'est pour qu'on se rassemble. فإن لم يمكن الاجتماع لا تقضى. Et donc s'il n'est pas possible de se rassembler, alors on ne la rattrape pas. القول الثاني وهو أن من فاتته صلاة العيد مع الجماعة يَقْضِيهَا كَمَا تُصَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ. Le deuxième avis, c'est que celui qui rate la prière du Eid en groupe, alors il la rattrape de la même façon qu'elle se fait en groupe, c'est-à-dire avec les takbirat en deux unités. وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ. Et cet avis, c'est l'avis de la majorité, Al-Malikiyya, الشافعي أنسك الحنابلة وهو اختيار الإمام البخاري. Et c'est aussi l'avis qu'a choisi l'imam البخاري إمام المحدثين رحمه الله. ومن أدلتهم ما جاء في صحيح مسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. Parmi leurs preuves, il y a le hadith qui a été cité dans صحيح مسلم. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idha dhakaraha. Celui qui oublie une prière ou qui dort durant le temps de celle-ci, alors qu'il l'accomplisse lorsqu'il s'en rappelle. Lorsqu'il s'en rappelle. الشاهد من هذا الحديث أن صلاة العيد صلاة فهي داخلة في عموم حديث أنس. Et donc en fait, ce qu'il y a dans ce hadith, c'est que la prière du Eid, le lien qu'il y a entre ce hadith et notre sujet, c'est que la prière du Eid est une prière. Et donc elle rentre dans la généralité qu'il y a dans le hadith de Anes. La prière qu'on a ratée, on la rattrape. Ça a été cité dans le hadith de Anas de façon générale. Pour une prière obligatoire. Ou pour une prière surrogatoire. Le hadith n'a pas stipulé surrogatoire ou obligatoire. Maintenant, il y a une salatine. Ah, Alors on continue, inshallah ta'ala. قال البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب العيدين باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام قال عتبة قال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين انتهى. Imam al-Bukhari, il dit donc dans son sahih le chapitre concernant les deux Eid, le sous-chapitre lorsqu'il rate la prière du Eid, alors il l'accomplit en deux unités, de la même façon les femmes. Et celui qui se trouve dans les demeures ou dans les villages aussi, ceux qui sont dans les villages loin de la ville, il n'y a pas forcément de mosquée, etc., pas forcément d'imam, eux aussi, ils vont donc l'accomplir salat al-Eid rakatayn. Et cela en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est notre Eid aux gens de l'islam. Et Anas ibn Malik radiyallahu anh, il a ordonné donc leur maoula, donc leur esclave, ibn Abi Utbah, Bizzawiya. Al-Zawiya, Ibn Hajar dit, c'est un endroit qui est à côté de Al-Basra. Et c'est un endroit où Anas, radiallahu anhu, il avait un château. Il était propriétaire d'un château et d'une terre là-bas. Et il passait beaucoup de temps là-bas. Et ça s'appelait Zawiya. Et donc, à cet endroit-là, donc Anas, il a rassemblé sa famille, ses enfants, et ils ont accompli la prière de la même façon que les gens de cet endroit-là priaient, avec leur takbir. Ikrima, il dit donc que les gens qui sont nombreux, ils se rassemblent pour le Eid et l'accomplissent avec deux unités, de la même façon que le fait l'imam. Et Atta, il dit, celui qui rate la prière du Eid, il l'accomplit en deux unités. Fin de citation. De ce qu'a cité l'imam al-Bukhari dans son sahih. فهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى أن صلاة العيد تقضى. Et donc ça c'est l'avis le plus juste, إن شاء الله تعالى, c'est qu'on peut rattraper la prière du Eid rak'atayn en deux unités دون خطبة, sans خطبة. ثم ليعلم أن حديث أمعتية الذي ذكرنا بالأمس. Ce hadith qu'on a cité hier, استدل به جماعة من أهل العلم على أن المرأة الحائض لا يجوز لها الدخول أو المكوث في المسجد. Il y a un groupe des savants qui se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il n'est pas permis à la femme menstruée de rester à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'elle a dit fait أمرنا أو ف وأن يعتزلنا النساء et que les femmes s'éloignent. يعتزلنا مصلى المسلمين, qu'elles s'éloignent du lieu de prière des musulmans. Donc toutes les femmes devaient venir, les femmes, donc les jeunes, etc. Mais les femmes menstruées, donc elles devaient s'éloigner du lieu de prière. والحقيقة أن هذا الحديث ليس صريحا في ذلك أي أنه لا يجوز ولا المرأة أن تمكث في المسجد. En réalité, ce hadith n'est pas clair sur ce sujet, sur le fait qu'il n'est pas permis à la femme de rester à la mosquée. لذا فجمع قال جمع من أهل العلم إن المراد بالاعتزال أي باعتزال الحيض عن المصلى هو الإبعاد أي إبعادهن عن الصفوف. Beaucoup des gens de science, ils ont dit que ce qui est voulu par là, le fait que les femmes menstruées s'éloignent du lieu de prière, ce qui est voulu par là, c'est le fait qu'elles s'éloignent des rangs. Juste des rangs, parce qu'on a besoin de prier. Si elles restent dans les rangs avec nous, avec les femmes, elles vont gêner les femmes qui veulent prier, puisque elles ne prient pas. Et donc, elles s'éloignent des rangs. Et donc ces femmes-là, elles ne viennent pas prier, mais elles viennent donc pour profiter de la khutba, du sermon et du rappel. L'imam Muslim, il a cité une narration de ce hadith dans son sahih. Fiha falyatazilna as-salah. Dans cette narration, il est cité et qu'elle s'éloigne de la prière. C'est pas de al-musalla, de la prière. Voilà pourquoi ils disent que ce qui est voulu par là, c'est que les femmes menstruées ne restent pas dans les rangs, parce que les autres femmes ont besoin de prier. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim an Aisha qalat qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nawilini al-khumra min al-masjid. قالت قلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست بيدك. البخاري et Muslim ont cité dans leur sahih, selon Aïcha radiallahu anha, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: prends pour moi al-khumra. Al-khumra, et donc c'est une forme de sajda que on fait à la main en attend. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Aïcha de le récupérer à la mosquée. Aïcha, elle dit: je suis menstruée. J'ai mes menstrues. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: inna haydataki laysat biyadik. Tes menstrues ne sont pas dans ta main. Certains savants, ils disent: tes menstrues ne sont pas dans ta main, donc ça veut dire que tu peux récupérer ce qu'il y a à la mosquée avec ta main sans problème. Et d'autres, ils disent, et c'est la vue le plus répandue des gens de science: tes menstrues ne sont pas entre tes mains. C'est-à-dire que c'est pas toi qui gères quand tu as tes menstrues ou pas. Vas-y. C'est pas toi qui gères quand tu as tes menstrues. Les sad biyadik. C'est pas toi qui gères ce sujet-là. Ensuite, wa aidan fi sahihayn anna Aisha radhiyallahu anha hadat fi al-hajj. Dans sahihayn aussi, Aisha radhiyallahu anha, elle a eu ses menstrues pendant le hajj. Fa qala laha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqdi ma yaqdi al-hajj ghayra an la tatufi bil-bayt. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha: fais comme le pèlerin fait, sauf que tu ne fais pas le tawaf. Sauf que tu ne fais pas le tawaf à la maison sacrée. Et donc le hajj, il va rester dans la mosquée sacrée, il va lire le Coran, il va faire sa'y, etc. Et donc Aïcha radiallahu anha, elle fait ce que le hajj il fait, sauf que elle ne fait pas le tawaf. Les savants, ils disent: yustafad min dhalika anna al-mar' al-ha'id laha an tamkuth fil masjid. Ils disent: ce qu'on profite de ça, c'est que cette femme menstruée, elle peut rester à la mosquée. Wa kadhalika akhraj al-Bukhari fi sahihihi babun nawm al-mar'ati fil masjid. Imam al-Bukhari, il a cité dans son sahih le sous-chapitre: le fait que la femme dorme à la mosquée. ذكر قصة عائشة التي تذكر المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. L'imam al-Bukhari, il a cité ici l'histoire qu'il y avait entre Aïcha et la femme noire qui restait à la mosquée, qui nettoyait la mosquée. وذكرت عائشة أن لها حفش. Aïcha, elle a cité que cette femme, elle avait un hifsh. C'est un lieu de vie qui est serré, qui est restreint. Elle avait un petit espace à elle, donc dans la mosquée dans laquelle elle vivait. Dans certaines narrations, elle a été aussi citée une tente. Fait là où كان دخول المرأة أو مكوث المرأة في المسجد ممنوعا لنبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على ذلك لأنها أكيد كانت تصاب بما يصاب به النساء. Et donc si il était interdit à la femme menstruée de rester à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait prévenu cette femme de cela, parce que bien entendu, cette femme devait être touchée par ce qui touche toutes les femmes, c'est-à-dire les menstrues. Et donc les savants, ils ont utilisé cette preuve pour dire que l'avis le plus juste, c'est que la femme menstruée, il n'y a pas d'interdiction concrète qui montre qu'elle peut rentrer, elle peut rester à la mosquée lil haja. فلو أن امرأة أرادت أن تحضر لدرس أو تقرأ أو نعم تتعلم دينها تتعلم القراءة. Si une femme veut apprendre à lire, elle veut apprendre sa religion, il n'y a pas de mal à ce qu'elle vienne à la mosquée. Inch'Allah ta'ala, on va arrêter là pour aujourd'hui. On reprend la semaine prochaine pour باب الكسوف بإذن الله تعالى وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.